Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'envoi de son prophète, alayhi salatu wassalam, et que c'était une chose indispensable pour réformer les gens de la terre, que ce soit les juifs ou les chrétiens ou les païens ou les idolâtres, et de les sortir de l'égarement dans lequel ils étaient. L'égarement et la mécréance dans laquelle ils étaient. Et l'éloignement de Tawhid et de la guider. Mais après qu'Allah a envoyé son noble prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'ils l'ont reconnu avec sa description, et avec les signes qu'Allah leur a cités dans leurs écritures et dans leurs révélations, ils ont mécru en lui, et ils l'ont traité de menteur que par jalousie et enviosité, et par entêtement et orgueil pour d'autres. Et surtout les gens du livre, ils l'attendaient, et en particulier les juifs. Ils l'attendaient à Médine, mais quand ils l'ont vu, et qu'ils ont vu que c'était un arabe et non pas un juif, ils l'ont accusé de mensonge et n'ont pas cru en lui. Donc les gens du livre, ils n'ont pas divergé au sujet du prophète alayhi salatu wassalam à cause d'une ignorance ou à cause que sa situation n'était pas claire pour eux. Mais ils ont divergé à son sujet après qu'il leur parvint la preuve évidente, comme dans cette sourate. Cette sourate nous montre que la base de la religion est identique, et que la religion qu'Allah a révélée à tous ses prophètes et messagers depuis le premier d'entre eux, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier, qui est le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi salam, leur religion est identique, qui est adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et rejeter toute adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, ce qui varie d'un prophète à un autre et d'un messager à un autre, ce sont les législations, les notions de l'halal et l'haram et yani, les autres choses des législations. Mais la base de la religion est la même pour tous les prophètes. C'est pour ça la religion qu'Allah a révélée à tous les prophètes, c'est l'islam. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en rejetant l'adoration d'autre qu'Allah et en rejetant ceux qui adorent autre qu'Allah. Et en se désavouant d'eux.